trop sur un bloc, motherfuck, moi juste proc, l'instru je braque, l'instru je traque, l'ennemi je traque, qu'est-ce qui se passe? C'est le retour de Jolie, c'est parti faire un petit tour dans l'espace à web petite gars. C'est prototypique, ça jalouse mais ça clique. Ouais c'est l'équipe, que ça lance des pics. Dans les clips et les dicks, atmosphère électrique. Ils veulent me rendre frénésique. Ouais gros t'es pas le boss, j't'ai vu que dans le bloc senior. Là ça coche, avec eux tu t'accroches. T'es débauché, t'avais que des trous dans ta poche. Moi tu chaque miel, miel quand je suis malheureux. Et je regarde le ciel, ciel quand je fais des vœux. Ne me compare pas, je ne suis pas eux. J'fume mon bang bang, le soir retardeux. Tout ça m'énerve, tout ça me met les nerfs. Envie de faire des meurs dans le game pour ce nouveau millénaire. Mais la leur, mais te plains pas, si reviens chargé sur un tom-tom énervé à 2000 à l'heure. C'est qui c'est les vrais, c'est qu'il y a de la valeur. Mais c'est pas normal à chaque fois, devant l'OPJ, la ressentir la chaleur. Faut pas parler devant l'OPJ. Tout paye comme Totorina, nique la mère à Biagio, calaché en Piaggio. Ils font trop les gadios, la famille le sent chaud. Les petits reviennent d'un braco, ils ont tout le sang chaud. Moi j'aime les gens qui parlent pas, qui en veulent. J'aime pas voir de photos tristes qui s'engueulent. Ça sort de toi la coupe à Ready to Rumble. On fait ça avec du coca et du clan Campbell. C'est pas normal et si c'est gala tumble. Tiens là tu fais le trou du cul quand tu s'emballes. Ouais j'ai c'est dur de passer sa vie s'envole. Vite tout le temps dehors parce que ta vie est bancale. Pendant que CMC veulent mon buzz à la queue le. J'protège à mort l'équipe de comme à télélé. Apprendre des trucs de fou je dirais même de pélélé. De pélélé, hein. Je veux brasser, sans qu'on passe le bracelet. Quand tu vas le Brésil, je vole malheur m'embrasser. Fais tes plans pour tes couilles, t'es capable. Si t'as rien accepté, va jamais sucer les hauts placés. On veut ce qu'on a pas. C'est pour ça que mes potes se retrouvent dans ton appart. On veut ce qu'on a pas. C'est pour ça que mes potes se retrouvent dans ton appart. J'ai vu j'évacue, que ça m'a pas plu. Et à ce qui paraît, je m'en bats les couilles. Je veux pas en savoir plus, tu vas dans la bulle. En plus, t'as trop bavardé après la dépouille. Pour ça je me mouille, mouille. Pas besoin de sécurité, je crois bien que personne peut arrêter les douilles, douilles, bang, bang, houille, houille. Dédicace à qui m'écoute, j'en sais à Sartel. En mettant drôle des mains, genoux sur la selle. Pour les vrais qui répondent, présent à l'appel. Pas tous qui font semblant, me demande comment je m'appelle. La vie c'est solo, mon pote. Demande à solo, compote. Je dis trop